Les filles, ne vous étonnez pas qu'en hiver je n'ai jamais froid. Les filles, ne vous étonnez pas qu'en hiver je n'ai jamais froid. N'oubliez jamais que j'ai été clochard. N'oubliez jamais que j'ai été clochard. Les filles, ne vous étonnez pas qu'en hiver je n'ai jamais froid. Les filles, ne vous étonnez pas qu'en hiver je n'ai jamais froid. N'oubliez jamais que j'ai été clochard. N'oubliez jamais que j'ai été clochard.